Je vais le casser l'ordinateur parce qu'il marche plus. Il est pourri. Il est pourri l'ordinateur. Il est. Votre homme, il est parti. Il nous a fait gazebo et il s'est barré. Trop froid pour chanter. Comme chanson. Remember that piano. say goodbye to this time when we are together. Je sais presque les accords. JP, tu chantes pas un peu, toi ? Branche un micro, JP, allez. Oh. Jimi Hendrix avait joué Paul Naref. Est-ce que vous savez que Jimi Hendrix a joué Paul Naref? J'ai trouvé une vidéo sur internet. Tu l'as vu ça? Attends, c'était où ça? C'est où j'ai trouvé cette vidéo? C'est une poupée qui fait Jimi Hendrix. Mm-hmm.